ça fume la frappe ces temps-ci, la T6 c'est trop dangereux. 4-4-2, numéro 10, je suis milieu d'enjeu. J'arrive, vas-y, monte le son, son soutien ça fait gros sein. Gros tac là, la grosso, comme à War, moi je pars de rien. Après la kiss, c'est le Perrier, après pleurer, je peux sourire. Je veux plus jouer, juste voir mes potos sortir. À part ça, des ballons, tant pour taire le Barça. Ça gratte, ça, les bien que ça paye même pas un casse-dalle. C'est ça la rue, c'est ça les rats, la désert jusqu'au Camaro. Caraïbes ou Caprito, histoire plus être un parano. Y'avait des gens, ils m'ont trahi, heureusement que j'avais pas l'anneau. Faut trop la mine remplie de haine, aujourd'hui je leur dis plus un mot. Niquez vos mères, tous les jaloux, je vais pas sucer pour percer. Ça vient du 6-9-2, c'est moi qui a représenté. Niquez vos mères, tous les jaloux, je vais pas sucer pour percer. Ça vient du 6-9-2, c'est moi qui a représenté. Pour tous les rats, tu s'accordes pas. La ville franche c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. Pour tous les rats tu t'accordes pas. La ville franche c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. Pour tous les rats tu t'accordes pas. La ville franche c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. J'ai trois quarts sous écrou à cette heure-ci. C'est ça les hommes, 72 heures gardables, zéro blast sortie. Des incapables, ils font SS, ils se croient puissants, tout permis. Nique bien la mer, au pélo qui tient le tarmi. Ça récidive, ça fait des pompes, ça fume gros joint à la fenêtre. Passe décisive, c'est une bafouille, y'a trois clubs et deux pets. Dans les coursives, c'est les bagarres, les gros pointus en pleine tête. C'est ça la raide, reste à ta place et t'inquiète. Faut se barrer, toi l'un des barreaux, t'es libéral, c'est tout carré. Des tarots, t'as les tarés, connexion, t'as les jingalés. En cellule, faut pas coller, non mon poteau pour ram même. Pour sa gavroche, habile le la ram jette. On a le temps que ça fasse vite, y'aura que des souvenirs qui restent. Toujours ta place, t'es trop apprécié au checks. Même si c'est pas fastoche, les gros faut garder la pêche. Les RPEs pour toutes les salopes sans sexe. Pour tous les rats, tu s'accordes pas. À Villefranche, c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. Pour tous les rats, tu s'accordes pas. À Villefranche, c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. Pour tous les rats, tu s'accordes pas. À Villefranche, c'est trop la merde. Ça veut cheater tout ce que t'as pas. On rêve tous de liberté. MH1 ou la MH3. A0 ou là le A3. Pour tous les gros qui sont là-bas, on rêve.